Alors oui, il y a des séries reconstituées. On a des programmes qui s'appellent des programmes de data rescue. Donc, dans certaines stations, effectivement, on a des mesures qui datent même, qui sont beaucoup plus anciennes que ça. Il y a tout un système de récupération de ces données. C'est souvent des graphiques. Il y a un système de récupération de ces données et d'homogénéisation. Alors, ça peut être lié à des stations météorologiques qui existent depuis le Verrier, depuis Napoléon III, notamment en France, puisque la météorologie française a été créée à cette époque-là, simplement parce que la flotte française a été détruite par une tempête. Donc Napoléon III a dépêché un scientifique, Le Verrier, pour mener l'enquête, et ce scientifique s'est rendu compte qu'une tempête avait abordé l'Espagne, avait balayé toute l'Europe, et à partir de ce moment-là, il s'est dit « mais si on observe ce genre de phénomène, on va peut-être être capable de le prévoir ». Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à créer des postes d'observation météorologique. Donc, bien entendu, au départ, ils utilisaient les télégraphes à bras. Et c'est un petit peu historiquement pourquoi la météorologie française a été créée. Donc, on a effectivement en France des points de mesure qui remontent à 1850. Maintenant, c'est un petit peu un aparté par rapport à la climatologie. Tous les peuples, même la Chine antique, avaient déjà commencé à étudier le climat et à faire des relevés. On a retrouvé des tablettes de hauteur de pluie, des tablettes de variation de température qui datent de plusieurs millénaires avant notre ère. Donc, sans aller aussi loin, on récupère certaines de ces données-là. Ça peut être dans des monastères, ça peut être par des passionnés, ça peut être simplement par des gens qui ont mesuré des variations de hauteur de glacier ou des hauteurs de neige en hiver. Ça peut être par rapport aux viticulteurs, qui sont des gens très friands de données météorologiques et qui ont mesuré les températures pour voir un petit peu comment progresser leur vigne. Donc à partir de ces données-là, en les traitant toujours d'une manière statistique, j'insiste là-dessus, on arrive à recréer des séries homogènes et à créer les courbes d'évolution. Tiens, ça a bougé tout seul. Merci. Donc, on a vu qu'au niveau global de la Terre, la température s'était réchauffée depuis les années 70. On a gagné un bon degré. Donc, on a zoomé un petit peu sur la Guyane pour voir un petit peu la température moyenne. En rouge, les variations annuelles depuis 1955 jusqu'en 2009. Les autres données sont en train d'être traitées et d'être homogénéisées. La courbe pointillée au milieu, c'est la courbe de tendance. Et on se rend compte qu'entre depuis 1955 à 2009, on a eu une hausse de température en moyenne d'environ 1,36 degrés. Alors vous allez me dire 1,36 degrés, ce n'est pas grand-chose, mais c'est une température moyenne et c'est quelque chose de relativement important parce que ça peut avoir à terme des impacts sur la biodiversité, des impacts sur la santé humaine, des impacts au niveau mondial sur la fonte des glaces, que ce soit glaciers ou calottes polaires, entre autres. Donc ce qu'on observe en Guyane, pour les températures en moyenne, les températures moyennes à retenir, une hausse de presque 1,5 degré depuis 1955, ce qui est significatif.